Metal Express avec Eric. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Eric avec vous pour vous accompagner dans le Metal Express comme chaque lundi. Et ce soir donc c'est pas 2 heures de métal mais bien 3 heures, et oui 3 heures de métal pour vous, rien que pour vous, puisque c'est la dernière de l'année. Et oui, la semaine prochaine donc nous serons le 24 décembre et le lundi d'après nous serons le 31 décembre, donc pas de Metal Express. Nous, on se retrouvera le 7 janvier 2019 pour un spécial Metal 80. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal, que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Radio Heavy Metal, c'est le https://radioheavymetal.site. Nous avons nos applications pour nous écouter sur votre smartphone ou bien tablette tactile, sur le Google Play ou bien Apple Store. Vous pouvez aussi télécharger l'application sur radio.fr et vous pouvez nous trouver en tapant Radio Heavy Metal. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et puis Instagram. J'aimerais remercier également nos partenariats radio qui nous diffusent le Metal Express. Il y a Radio Fréquence, Kindred Spirits, Canal Fuzz Radio et Radio Long Way Rock. Également un grand merci à nos partenariats musique. Il y a Inverse Records, Duet Agency, Kebras Records et les promotions Kebar Promotion et Inferno Records. Voilà, on va commencer donc ce Metal Express avec un groupe allemand qui s'appelle Refuge. Ce morceau s'intitule Summer's Winter, suivi ensuite de Foley's Cipher avec le morceau Enter the Cipher, et puis juste derrière encore il y aura Flyweight avec le morceau Homeland. Allez, bonne écoute et monte le son à fond. C'est parti pour 3 heures de métal dans le Metal Express. We'll be right back.

feel like I'm in a cold bath. Well, I'm sailing now, fighting again, troubled waters. I am breaking through the wave, breaking through the wind. Express avec le morceau Homeland. Allez, voici tout de suite Black Star Riders avec le morceau Heavy Fire, suivi de Enemy of the Enemy avec This Is War. Bonne écoute et monte le son. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Français Enemy of the Enemy. Le morceau qu'on a écouté s'appelle This is War. Ils ont une page Facebook. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Voici maintenant Machine Head. Le morceau s'intitule Volatile, suivi de Civil War avec Road to Victory. Bonne écoute! « Has arrived. Baby, it's coming down my heaven. Will War, donc le groupe de heavy metal suédois, donc il est formé en 2012 par d'anciens membres de Sabaton. Je vous propose, pardon, Sinister avec Convulsion of Christ, suivi de Them avec le morceau Forever Burnings. We'll be right back. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. groupe s'appelle Thème, donc avec le morceau Forever Burns. Si avec ça, on me dit que ça ne ressemble pas du tout à du King Diamond, alors il faut me dire à quoi ça ressemble. Alors voici donc Russ, et ce morceau s'intitule Fulfilling Prophecy, suivi de Sodom avec Rolling Thunder. Monte le son! We'll be right back. désormais un quatuor en 2018, début d'année 2018. D'ailleurs, Tom Angel Reaper a opté pour un line-up avec deux guitaristes, une nouveauté absolue pour Sodom, en expliquant que deux guitaristes nous permettaient donc de jouer plusieurs possibilités en live. Je vous propose maintenant les Diables de la Garrigue avec Gatar, suivi de Heure d'Attaque avec Burn My Flesh. Bonne écoute dans le Metal Express. du calme, tout se passe bien. Écoutez, voici le coup de cœur de la semaine de votre radio. Et oui, pardon, si j'allume pas le micro, ça va pas le faire. Oui, c'est le coup de cœur de ma semaine, donc il s'appelle Gaëtan, et il a fait, d'ailleurs, il a été sur TF1, The Voice Kids, donc Gaëtan, il a 12 ans, et franchement, il m'a envoyé deux petites maquettes, la cover Iron Maiden, et puis Sepultura, vraiment, ça arrache, vous allez voir, je vais passer deux morceaux, le premier, donc, c'est Iron Maiden avec Moonchild, suivi donc de Sepultura, ça s'appelle Roads, Bloody Roads, allez, monte le son, ça vaut le coup. Voilà, donc je vous rappelle que Gaëtan n'a que 12 ans et vous avez vu un peu ce qu'il nous joue. C'est super, franchement, chapeau bas, mec. Allez, voici maintenant, voici Sepultura, mais avant je vais revenir sur Gaëtan, il a une page Facebook, n'hésitez pas donc à aller y faire un petit tour, il s'appelle Gaëtan Pezzo. Alors pour cela vous tapez Gaëtan P-Z-O et vous pouvez également le retrouver sur YouTube. Voici donc maintenant Sepultura, et ça je vais le dédier à Gaëtan, ça s'appelle I Am The Enemy, suivi de Judas Priest, Evil Never Dies. Bonne écoute et monte le son. Open your mind and pay your attention. What do you see and what do you hear? Cause there is deep blood in this culture of fear. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Don't think

Radio revient juste après ça. Juste après ça. Tu as un groupe de métal ? T'aimerais qu'il soit diffusé ? Pour ça, contact Radio et Vie Métal sur Facebook. Voilà, donc c'était Chromorph avec Human Deception. Voici maintenant Leftover Bullets avec Confused. tout de suite les dédicaces. Et oui, donc les dédicaces, et là j'en ai une, c'est Metallica, Hard Rail Lead, c'est Dominique qui m'a demandé pour elle-même, bah alors allons-y pour Metallica. Et je vais rectifier, ça s'appelle Hard Ride. Ride, le groupe Metallica, donc ça a été demandé par Dominique pour elle-même. Voici une autre dédicace, c'est Annihilator, ça s'appelle Twisted Lobotomy. Et c'est donc Sylvain qui demande Annihilator, c'est pour son copain Pierre. Yeah. Voilà, donc c'était Annihilator avec Twisted Lobotomy. Ça a été demandé par Sylvain pour son copain Pierre de Nantes. Voici maintenant Purge of Sanity, ça s'appelle We War. C'est demandé par Cricri pour Mimi de Lyon. C'est parti! Let's c'est le dernier single de Purge of Sanity. Ça a été demandé donc par Cricri pour Mimi de Lyon. Voici maintenant Saxon avec le morceau Predator et ça a été demandé par William pour Katia. Voilà, donc c'était Saxon avec Predator et ça a été demandé par William pour Katia. Allez, voici maintenant Primal Fear. Donc, ce morceau s'intitule In Memory. Donc, c'est pour une personne donc, qui m'a été très chère et qui est malheureusement disparue. Lost in my own dream, I am standing at the wall. Dark clouds are passing by, and the evil takes control. Emptiness is calling. I'll light a candle now. So many times I talk to the dead. The reason to go down in memory of you. Wait till the morning dew. It hurts my soul, it kills my mind. In memory of you. Feel so dark inside, waiting till the morning light. Walking on. Cela fait 11 ans que tu nous as quittés, donc, et sache qu'on pense très fort à toi. Allez, voici Hazy, ça s'appelle Deep Reasons, suivi de Moonspell avec Opium. You've come too far, now you have prison. I wanna help you make this journey through. Can see through the rain, it's driving you insane. You die. But what can I do if it's inside of you? This crucible of life that you stick in the night. You're not trying. Wandering around at night, you've never been so alone. You must be freaking out. Plenty of time to think. There must be some deep reason. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. groupe Moonspell, donc à l'instant dans le Metal Express avec Opium en live. Voici tout de suite Corrosive Sweden avec le morceau Angry Me, suivi de Dirty Machine avec le morceau Against the World. Bonne écoute et monte le son à fond! We'll be right back. Voilà donc le groupe Dirty Machine, un style metal alternative. Voici maintenant Citizen Rage avec Breakdown, suivi de Lacération avec Critical Biopsy. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Heavy Metal. N'oubliez pas que vous pouvez laisser un petit commentaire donc sur la page de Radio Heavy Metal, également sur le site officiel Radio Heavy Metal. Pour cela, vous cliquez sur le livre d'or et vous laissez un petit commentaire. Allez, c'est parti, let's go. Voici maintenant Citizen Rage, comme je l'ai dit à l'instant, avec Breakdown. Break down and lose. S'appelle Laceration avec le morceau Critical Biopsy. Voici maintenant Dee Snider avec I Am the Hurricane, suivi de Fate Destroyed avec Break Free. Je vous rappelle que vous êtes dans le Metal Express, c'est Eric avec vous, donc jusqu'à 22h. Gamble, but you never win. You lie. Ce groupe s'appelle Fate Destroyed avec le morceau Break Free. Voici un morceau donc que je vais dédier à tous les fans qui écoutent le Metal Express depuis tant d'années. Voici Exodus, ça s'appelle Strike of the Beast et ça c'est donc pour tous les fans du Metal Express. Le groupe Exodus, donc ce morceau je l'ai dédié à tous les fans donc du Metal Express et Dieu sait qu'il y en a un paquet. Voici maintenant Nervosa et ça s'appelle Deception. Bonne écoute et monte le son à fond. Hide. Open your eyes, don't you get so wrong. Voilà, c'était Nervosa avec Deception. Allez, voici maintenant Black Bart pour finir donc ces 20 minutes qui nous restent avec le morceau Tova Rich, suivi de Accept avec No Regrets. Bonne écoute! Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Le groupe allemand Accept. Voici maintenant Cannibal Corpse avec Red Before Black, suivi de Highway avec Wake Up. Il nous reste 10 minutes. Go! Don't up, stand up and face up. You don't have to wait for a sign. Wake up, stand up and face up. It's down to you to reach the sky. Wake up. Qui est français, ils nous viennent donc de Montpellier, ils s'appellent Highway, le morceau qu'on a écouté s'appelle Wake Up, ils ont une page Facebook, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Allez, voici maintenant les Twisted Sisters, ça s'appelle I Wanna Rock. I wanna rock. Ça passe très vite. Nous donc, on se retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire le 7 janvier, pour un spécial Metal 80. N'hésitez pas donc à aller sur le site officiel Radio Heavy Metal pour laisser un petit commentaire. Vous cliquez donc sur le livre d'or. Pour ça, vous allez sur le https://radioheavymetal.site. podcast de l'émission, donc demain matin sur la page Facebook de Radio Heavy Metal, également sur la page du Metal Express. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Allez, ciao !